Chapitre 14. Le client. Si sa vitrine n'avait pas été recouverte par plusieurs couches d'illusions, peut-être Ophélie aurait-elle remarqué à quel point l'atmosphère avait changé au dehors. Le vestiaire où avait été aménagé son cabinet se trouvait tout au fond d'une galerie du palais de la Jetée Promenade. Il fallait traverser pratiquement un kilomètre de tapis, de portes-fenêtres, de tables à thé et de colonnades avant d'y parvenir. Aussi, Ophélie eut-elle un choc en voyant toute la cour réunie devant sa porte. La foule était si dense et la galerie si étroite que les nobles avaient envahi les entresols, armés de jumelles de théâtre, pour ne rien manquer du spectacle. Ce ne fut pas leur nombre qui frappa toutefois Ophélie, mais leur silence. « Quelle impressionnante réunion de famille !» commenta Lazarus en coiffant son haut de forme blanc, à croire qu'il assistait à une coutume locale. « Walter, ajoute cette scène à ma photothèque, je te prie. » Le majordome mécanique sortit un appareil photographique, puis dans un éclair de lumière et un nuage de fumée, prit un cliché de ses chaussures. Ophélie, quant à elle, se demanda si elle ne s'était pas cognée la tête en dégringolant de l'escabeau. Ses lunettes ne cessaient plus de s'assombrir et de s'éclaircir. Quand elle les décrocha de son nez, elle finit par comprendre que ce n'était pas ses lunettes qui s'affolaient, mais le palais tout entier. Le soleil du cinquième étage, qu'elle n'avait jamais vu ni se coucher ni se voiler, clignotait derrière les vitraux, comme une ampoule mal vissée. Ces variations d'éclairage laissaient deviner par intermittence la véritable nature des lieux. Ophélie découvrit, le temps d'un clignotement, un plafond gris à la place de la coupole en verre et un mur de briques là où la mer scintillait de l'autre côté des baies vitrées. Sans son maquillage, la Jetée Promenade prenait des allures de hangar. Dès l'instant où elle aperçut Farouk, entre deux clins de soleil, Ophélie sut que c'était lui qui mettait l'illusion à mal, ce géant qu'elle avait toujours vu avachi sur lui-même, abâillé pour un oui ou pour un non, se dressait au milieu de la galerie avec la gravité d'une statue commémorative. À cet instant, son allure était si impériale, sa beauté si inhumaine, sa blancheur si éclatante et son expression si glaciale, qu'il incarnait le pôle à lui seul. Ophélie fut parcourue de frissons dès qu'il fit gronder le tonnerre de sa voix. « Je vous trouve enfin !» Avec un parfait sans-gêne, Thorne se présenta à Farouk de façon à éclipser Ophélie derrière lui. « Je viens d'être informé d'événements préoccupants au clair de lune !» exposa-t-il de son timbre le plus administratif. « Je vous présente mon rapport !» Ophélie contempla le dos noir de l'uniforme avec stupéfaction. Où Thorne trouvait-il cet aplomb pour dévier sur lui l'attention de Farouk? Ses émanations psychiques étaient si oppressantes que pour sa part, elle peinait à respirer. « Qui êtes-vous ? » demanda lentement Farouk. « Votre intendant. » « Je ne suis pas ici pour cela. » Monsieur Tchekhov a disparu la nuit dernière, poursuivit Thorne avec l'impassibilité d'une machine à écrire. Ce n'est peut-être qu'une fausse alerte, mais nous allons devoir ouvrir une enquête. Je ne suis pas ici pour cela. Si la disparition est avérée, je préconise de renforcer la sécurité à tous les étages de la citadelle. Le grand corps de Thorne tituba sur le côté, comme s'il avait été déséquilibré par un coup porté en pleine figure. L'onde mentale de Farouk s'était propagée avec une telle violence qu'Ophélie elle-même sentit ses oreilles bourdonner comme des cloches. Elle entendit à peine les applaudissements des nobles au balcon et l'exclamation horrifiée de Bérénilde. En revanche, elle vit très distinctement le sang jaillir du nez de Thorne. « Je ne suis pas venu pour cela, » répéta Farouk. « Je veux lui parler à elle. » Si chaque muscle de son corps n'avait pas été tétanisé, Ophélie aurait sérieusement envisagé de s'enfuir par le premier miroir venu. Incrédule, elle vit Thorne ramasser l'épaulette d'or qui s'était décrochée de son uniforme, sortir un mouchoir et tamponner ses narines avec autant de calme que s'il essuyait un simple rhume. J'ai eu vent des piètres performances de ma fiancée sur scène. Je m'emploie à lui trouver une autre occupation. Je vous demande de m'accorder encore un peu de temps. » La formulation manquait sans doute de délicatesse, mais Ophélie aurait été plus tranquille si Farouk s'était rangé à son avis. Au lieu de cela, il contourna lentement Thorne et se dirigea droit vers elle. Le silence s'était fait si dense tout autour d'eux qu'Ophélie entendit ses propres vertèbres craquer quand elle leva les yeux vers le magnifique visage de marbre. Farouk souffla un blizzard polaire jusque dans les profondeurs les plus reculées de son être. « Comment osez-vous » articula-t-il entre ses dents. « De quel droit mettez-vous vos mains au service d'autres personnes que moi ?» Ophélie aurait aimé plaider sa cause, mais le psychisme de Farouk pétrifiait sa volonté. Elle ne parvenait plus ni à parler, ni à bouger, ni à penser. Son corps et son âme ne formaient plus qu'un seul et même bloc de glace. « Vous jugez-vous supérieur à moi ? Me prenez-vous pour votre jouet ?» Ophélie avait déjà connu quelques frayeurs dans sa vie. Elle s'était étouffée avec un noyau de pêche, électrocutée en branchant une lampe, broyée les doigts à cause d'une fenêtre à guillotine, et les choses n'avaient cessé d'empirer depuis qu'elle avait quitté Anima pour le pôle. Toutefois, rien de ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent n'était comparable à la peur qui la saisit ici et maintenant. Elle ne lisait dans le regard de Farouk aucun courroux, aucun dédain, rien de ce qui aurait pu se rapprocher un tant soit peu d'une émotion. Non, ce qu'il y avait au fond de ce regard, c'était un désert. Ophélie se sentit aspirée par cet espace infini. En un battement de cœur, elle mesura l'abîme qui séparait leurs deux temporalités, un immortel destiné à l'éternité, une humaine condamnée à disparaître. « Tu n'es qu'une petite chose éphémère, » lui souffla une voix, « et Farouk a le pouvoir de te rendre plus éphémère encore. » Il suffisait qu'il fronçât les sourcils et l'esprit d'Ophélie exploserait comme du givre. Farouk plongea une main à l'intérieur de son grand manteau et en sortit le livre. « Vous avez la prétention de tenir votre propre cabinet ?» « Fort bien, je serai votre premier client. »« Ce n'est pas dans notre contrat. » Ophélie entendit à peine la voix tendue de Thorne. Elle était complètement prise dans les glaces de Farouk. Tout ce qui n'était pas ses yeux lui paraissait lointain et irréel. « Prenez ce livre. »« Elle n'est pas prête, » souligna Thorne d'une voix lourde. « Je ne suis pas prêt. Revoyez votre pense-bête. » « Je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable, monseigneur, » intervint Bérénilde en maîtrisant de son mieux le tremblement de sa voix. « Cette chère petite n'est pas apte à être votre liseuse. Mon neveu le sera bientôt, lui. » « Et puis, le cabinet de ma nièce n'a pas encore ouvert. » renchérit la tante Roseline avec son pragmatisme accoutumé. Farouk les ignora tous. Ophélie aurait voulu se tourner vers elle pour les rassurer d'un sourire, leur dire que tout allait bien se passer, que ce n'était qu'une expertise et que si elle échouait, tant pis, elle présenterait ses excuses de façon professionnelle. Elle en fut incapable. Farouk la terrorisait. Elle avait eu l'audace de lui tenir tête publiquement, et c'est publiquement qu'il allait lui en faire payer le prix. « Acceptez-vous, oui ou non, de vous occuper de mon livre ?» demanda-t-il en pesant de tout son regard sur elle. « Non !» Ophélie avait gargouillé ce mot d'une voix qui lui fit honte. L'aura glaciale reflua aussitôt comme une marée descendante et Farouk rangea le livre dans son manteau. Ophélie faillit détaler à toutes jambes quand il déploya sa gigantesque main vers elle. Il contracta les doigts autour de son crâne, comme les serres d'un aigle. « Je vous ai effrayé, » Je vous demande pardon. » Des murmures de stupéfaction se répandirent comme une traînée de poudre à travers toute la rue piétonne, mais personne n'aurait pu être plus abasourdi qu'Ophélie en cet instant. Son corps chancelait tellement qu'elle se concentrait sur ses pieds pour ne pas s'écrouler sous le poids de la main. « Il semblerait que vous m'ayez rappelé quelqu'un, » expliqua Farouk d'un ton distrait. « De toute évidence, vous n'êtes pas celle que je pensais. » Ophélie aurait été incapable de déterminer si c'était de la déception ou du soulagement qu'elle percevait dans sa voix. « Je vous retire votre charge de vice-comteuse. Vous me rendez beaucoup trop nerveux. » Si elle n'avait pas été au bord des larmes, Ophélie aurait éclaté de rire. « Moi, je vous rends nerveux ?» s'entendit-elle répondre d'une voix étranglée. « Avez-vous seulement idée de ce que je ressens maintenant, en votre présence ?»« Regardez-moi. » La grande main quitta la tête d'Ophélie pour se glisser sous son menton et relever d'autorité son visage. Si celui de Farouk n'était toujours qu'un masque à la beauté inexpressive, ses yeux avaient retrouvé une petite lueur d'humanité. Maintenant que son emprise mentale s'était relâchée, Ophélie reprenait conscience du monde qui l'entourait. Le soleil avait cessé ses clignotements d'ampoule et le plafond ressemblait à nouveau à une verrière pleine de ciel. La lumière étincelait sur les jumelles des nobles, projetait l'ombre zébrée des palmiers contre les toilettes des dames et accentuait autant la pâleur de Bérénilde que les rougeurs de la tante Roseline. Partout où Ophélie tournait les yeux, elle ne voyait que crispation et anxiété. Elle s'attendit à ce que Thorne fût le plus contracté de tous, aussi n'en crut-elle pas ses lunettes quand elle le vit en train de se tortiller pour reboutonner son épaulette, comme si la symétrie de son uniforme était prioritaire sur tout le reste. « Encore maintenant, » murmura Farouk en serrant la prise de ses doigts autour de son menton. « Encore maintenant, vous m'y faites un peu penser. » « À qui ?» s'étonna Ophélie. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, vaguement troublé. « Artémis, je suppose. » Le fait est que je préfère mettre un terme à vos comptes. Ils étaient la contrepartie de votre protection, rappela Ophélie d'une toute petite voix. Le contrat... Arrêtez donc de m'ennuyer avec vos contrats. Je n'ai nullement l'intention de me... « défaire de vous. Je trouverai une meilleure manière de vous employer. Voilà tout. J'y réfléchirai à l'occasion. » Sur ces mots lancés négligemment, Farouk relâcha son menton et s'en fut au ralenti. Sidéré, Ophélie le suivit longtemps, longtemps. Longtemps des yeux, tandis qu'il quittait la galerie en remportant tous les courtisans avec lui. Lazarus lui-même se mit à courir derrière eux en appelant Walter. Le majordome mécanique talonnait un homme qui portait le même chapeau que son maître. Encore choquée par ce qu'elle venait de vivre, Ophélie sursauta quand Thorne déclara « Vous quittez la Cita Ciel aujourd'hui même !»